À l'occasion du 15 août, le journal indien Rising Europe, en date du 17, a présenté un écrit titré « Exploit du président Kim Il-sung pour la libération de la Corée ». Voici le résumé. Le président Kim Il-sung a déclaré la guerre contre l'impérialisme par la constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme à l'âge d'une dizaine d'années. Il a fondé l'armée révolutionnaire populaire coréenne et sans arrière étatique et soutien d'une armée régulière, a organisé la guerre contre le Japon prétendant être maître de l'Asie. Après la libération nationale, il a édifié un pays nouveau démocratique. Par ailleurs, à la même occasion, la filiale tchèque de l'Association d'amitié avec la Corée a présenté le 16 dans son homepage d'Internet les numéros spéciaux avec les photos montrant les exploits mortels du président Kim Il-sung.